إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن شهر رمضان شهر التقوى والصيام وشهر الصبر وتلاوة القرآن وشهر النفقة والإرسال إلى غير ذلك من مزايا وفضائل شهر الصيام ورمضان كذلك شهر الانتصار والعزة لحزب الله تبارك وتعالى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه رمضان أيها الإخوة الكرام والمدرسة العظمى التي تربى فيها الفاتحون الأولون الذين خرجوا ليفتحوا الدنيا بكلمة التوحيد الخالص وملأوا الأرض عدلا كما ملئت جورا بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى وحسبنا في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف وقفات سريعة مع بعض أحداث معركة بدر الكبرى التي وقعت في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان المبارك من العام الثاني للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شخص الله قيل الله بالفريق الخامس Et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, le mois de Ramadan est le mois de la piété et du jeûne, le mois de la patience et de la lecture du Coran, le mois des dons et de la générosité. Le mois du Ramadan est aussi le mois de la victoire et de la puissance pour le groupe d'Allah, ceux qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Le Ramadan est telle une école dans laquelle se sont éduqués les premiers combattants de l'islam qui ont conquis les régions du monde grâce à la parole de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, kalimatul tawhid, la ilaha illallah. Et ils ont remplacé l'injustice par la justice et ont fait sortir les hommes de l'adoration de l'homme vers l'adoration du Seigneur des hommes. Nous allons, Inch'Allah, dans ce discours, citer brièvement quelques événements qui ont eu lieu pendant la bataille de Badr, qui a eu lieu le 17 du mois de Ramadan de l'année 2 de l'Égypte. Aïbadallah. La Khadkanet, Ma'arakatou Badr al-Kubra, Fulqanan bin al-Haqi wal-Baqi. وكانت أول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين ونصر الله فيها عباد المؤمنين نصرا موسرا وسجل عليهم المنة العظمى إلى يوم الدين قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان مقبل من الشام في ألف بعير للمشركين فيها أموال عظيمة لم يبق في مكة مشرك ولا مشركة إلا بعث بماله كله في هذه العير فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج معه قائلا هذه عير قريش فيها أموالهم لعل الله يغنمكموها فخرج معه 300 وبضعة عشر رجلا من كبار الصحابة الصحابه من المهاجرين والانصار وتبعد بدر عن المدينه النبويه بحوالي 150 كيلومتر في جنوب غرب المدينه النبويه وبلغ ابا سفيان الخبر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج اليه فارسل الى مكه يستنجد قومه فهبت اليه قريش برجالها وعتادها بطرا ورماء الناس ويصدون عن سبيل الله واقبلوا بحدهم وحديثهم يحدون الله ورسوله وجاءوا على حرد قادرين على حميه وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكانوا قرابه الالف مقاتل جاءوا من غير ميعاد ليقضي الله امرا كان مفعولا قال تعالى اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في ميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. Chers serviteurs d'Allah, la grande bataille de Badr fut un discernement entre la vérité et le faux, et fut une bataille décisive entre les musulmans et les associateurs. Allah a secouru ses croyants serviteurs, et leur victoire est entrée dans l'histoire jusqu'au jour de la résurrection. Allah nous dit dans le Coran, Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés, craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu que Abu Sufyan, quand à l'époque il était encore parmi les idolâtres, il revenait de Cham avec 1000 chameaux appartenant aux associateurs avec leurs richesses. Il n'y avait pas un associateur ou une associatrice qui n'avait envoyé ses richesses avec cette caravane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc incité ses compagnons à sortir avec lui en leur disant « Voilà la caravane des gens de Quraysh avec leurs richesses, sortez afin qu'Allah vous la donne en butin. » Et donc sortit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu plus de 310 hommes parmi les plus illustres compagnons immigrés et ansar. Badr se trouve environ à 150 km au sud-ouest de Médine. Donc le prophète avec ses compagnons se sont rendus à cet endroit-là. Abu Sufyan fut averti de la sortie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et appela son peuple pour le secourir et ils sont sortis pour repousser la vérité et avec ostentation et obstruant le chemin d'Allah et armés pour combattre Allah et son messager. Ils étaient plus de 1000 et cette bataille n'était pas prévue. Allah nous dit dans le Coran, vous étiez sur le versant le plus proche et eux, vos ennemis, sur le versant le plus éloigné tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, c'est-à-dire effrayé par le nombre de l'ennemi. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que sur preuve périsse celui qui devait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et certes, Allah est audient et omniscient. Et il va nous dire لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج المشركين لقتاله استشار اصحابه بحمد الله تبارك وتعالى يقول وشاملهم في امره فقام المقداد بن عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله امض لامر الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لنبيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فتكلم المهاجرون فاحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فاحسنوا ثم استشارهم ثالثا فعرف الانصار انه يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد راي الانصار في القتال فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه الى الانصار فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما شئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عقودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان نلقى بنا عدونا غدا إنما صدق في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم عقب هذا الكلام. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la sortie des associateurs pour le combattre, il demanda conseil à ses compagnons, car eux n'avaient pas l'intention de combattre, ils étaient sortis pour la caravane de Abu Sufyan. Et c'est alors que Al-Miqdad ibn Amr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon messager d'Allah, va vers ce que ton Seigneur t'a montré, nous sommes avec toi. Par Allah, nous ne dirons pas comme les enfants de l'Israël ont dit à Moussa, va combattre toi et ton Seigneur, quant à nous, nous demeurons ici. Nous dirons, va combattre toi et ton Seigneur, nous combattrons avec vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam redemanda conseil une deuxième fois, puis une troisième fois, et à chaque fois ce sont les Muhajirin qui répondaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar, les gens de Médine, comprirent qu'ils voulaient leur avis. C'est alors que Sa'd ibn Mu'adh se leva et dit, c'est à nous que tu fais allusion au messager d'Allah. Le prophète dit oui, certes, dit alors, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous avons ajouté véracité, nous avons attesté de ce que tu as apporté à la vérité. Pour cela, nous t'avons donné nos engagements ainsi que notre alliance. Ô messager d'Allah, va vers ce que tu veux, nous sommes avec toi par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu nous emmènes à cette mer et que tu la prends, nous la prendrons avec toi sans qu'aucun de nous ne manque à la paix. Et puis, nous ne répugnons pas de rencontrer avec toi notre ennemi demain. Nous sommes endurants à la guerre, sincères lors de l'affrontement. Peut-être qu'Allah te fera voir de nous ce qui sera bonheur pour tes yeux. Emmène-nous donc avec la bénédiction d'Allah. Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'illumina par ses paroles du fait que tous les compagnons radiallahu anhum, Al-Muhajiroun et Al-Ansar, étaient prêts à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-Mu'minun, sar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu hatta nazalu ma'a badri bi mashurat al-kibab bi Munzir radiallahu anhu. فصنعوا الحياض ودفنوا ما عداها من المياه منعا للمشركين منها. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في موضع المعركة قبل المعركة ويشير بيده إلى مصارع القوم وهو يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما ممن سمى موضع إشارته وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع يديه إلى السماء اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفقرها تحادوك وتكذب رسولك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه وأخذ يلح على الله في الدعاء حتى سقط رداءه عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فالتزمه أبو بكر رضي الله عنه من ورائه وقال يا رسول الله أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. رواه البخاري ومسلم. Chers croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit avec ses compagnons jusqu'à arriver au point d'eau de Badr, suivant le conseil de Al-Hibab ibn Munzir radiallahu anhu. Et ils firent des bassins et prirent le contrôle de toute l'eau de Badr et enterrèrent tous les autres points d'eau afin que les associateurs ne puissent pas les utiliser. Parmi donc les stratagèmes de la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcha sur le champ de bataille avant la bataille, en montrant des endroits et en disant « Voilà l'endroit où périra un tel, voilà l'endroit où périra un tel et voilà l'endroit où périra un tel. » En citant certains parmi les associateurs. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit « Aucun des gens qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dépassé l'endroit désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un miracle prouvant la véracité de son message sallallahu alayhi wa sallam. » Puis, Il se dirigea vers Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant. Il leva ses mains vers le ciel et dit, « Oh Allah, voici Quraysh. Ils sont venus pétris d'arrogance et d'orgueil. Ils sont venus de narguer et traiter ton messager d'imposteur. Oh Allah, j'implore ton secours et ta promesse. Oh Allah, si cette troupe périt aujourd'hui, les musulmans, il n'y aura plus personne sur terre pour t'adorer. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora tellement Allah subhanahu wa ta'ala que son paille lui tomba des épaules. Et Abu Bakr saisit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par derrière et lui dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, Allah va te donner ce qu'il t'a promis, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Contre le prophète, c'est mieux pour vous, mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est clément avec les croyants. Et les musulmans demandèrent secours auprès d'Allah, et ils l'invoquèrent sincèrement, et Allah révéla à ses anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Et il révéla à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa jibna hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'il al-Muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu al-Ghafur al-Rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد أيها المسلمون ولما اشترك القتال في بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أكفه من الحصبة فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم الا ملأت عينيه وشغل المشركون بالتراب في اعينهم وشغل المسلمون بقتلهم فانزل الله في شان هذه الرميه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وان الله سميع عليم وجاء النصر من عند الله وانزل جنودا لم يرها المسلمون وايد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومنعه المشركين اسرا وقتلا فقتلوا منهم 70 واسروا منهم 70 من صناديدهم الذين كانوا يسومون المستضعفين من المؤمنين سوء العذاب وتلك الايام يداولها الله بين الناس ولما انقضت الحرب اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيره النبي كنت لنبيكم كذبتموني وصدق الناس وقتلتموني ونصرني الناس واخرجتموني واواني الناس ثم امر بهم فسحبوا الى خليل في بدر فطرحوا فيه واقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثلاثه ايام إشارة على فوزه ونصره على عدوه. فقبل ثلاثة أيام قام النبي صلى الله عليه وسلم على شفرة الخليل فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم شعر جنوع Lorsque s'engagea le combat à Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit une poignée de terre et la jeta sur le visage de l'ennemi. Et il n'y a pas un seul homme sans que cette poignée n'ait atteint ses cheveux. D'une poignée de terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint plus de 1000 visages. Ils furent donc occupés par la terre dans leurs yeux, alors que les musulmans étaient occupés au combat. Et Allah fit descendre à ce sujet. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est audient et omniscient. Et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala arriva. Il fit descendre une armée que les musulmans ne voyaient pas. Les anges ont combattu avec les croyants. Et il affermit son prophète et les croyants, et il donna les adversaires comme prisonniers et cadavres. 70 furent tués et 70 sur des furent prisonniers parmi les chefs de Quraysh et les autres s'enfuirent. Et ce sont ceux qui donc infligeaient le pire des châtiments aux croyants à la Mecque. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc qui fait alterner les rôles. Et lorsque la bataille prit fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers les cadavres et leur dit quel mauvais peuple vous avez été pour votre prophète. Vous m'avez traité de menteur alors que les gens m'ont cru. Vous m'avez délaissé alors que les gens m'ont secouru. Vous m'avez expulsé alors que les gens m'ont accueilli. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta sur le champ de bataille 3 jours. Comme signe de victoire pour les Arabes, lorsqu'il gagnait un combat, il restait toujours 3 jours sur le champ de bataille. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'il soit jeté dans un puits de Badr, qu'on appelle Al-Khadir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 3 jours, se rendit au bord de ce puits et se mit à appeler les cadavres en les appelant par leur nom et le nom de leur père. « Oh un tel fils d'un tel, oh un tel fils d'un tel, vous réjouissez-vous d'avoir désobéi à Allah et à son messager ? Nous, nous avons vu se réaliser ce que notre Seigneur nous avait promis et vous, avez-vous vu se réaliser ce que votre Seigneur vous avait promis ?» Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit alors au prophète « Ô prophète, pourquoi parles-tu à des corps sans âme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed, vous n'entendez pas mieux ce que je dis qu'ils ne le font. » إلى هذه الغزوة المباركة وقعت في شهر رمضان هذا الشهر الكريم شهر العمل شهر الصبر شهر الجهاد في سبيل الله تتضاعف فيه همة المؤمن ويقرب من ربه الكريم الرحيم وتفتح فيه أبواب الجنان فهو أثمن وأنفس فرصة للمؤمن لكي يضاعف فيها نشاطه وعمله في سبيل الله عز وجل والكافي من المعارك الإسلامية الكبرى في تاريخ المسلمين وقعت في هذا الشهر الكريم كمعركة بدر الكبرى وفتح مكة ومعركة عين جالوت في القرن السابع ومعركة حطين في القرن السادس وغير ذلك وكذلك فتح الأندلس وقع في شهر رمضان شسر كتاب الله Cette bataille a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Ce noble mois, le mois de l'effort, le mois de la patience, du combat dans le sentier d'Allah. Il faut que l'ardeur du croyant soit multipliée pendant ce mois et qu'il se rapproche de son Seigneur. Pendant ces mois, sont ouvertes les portes du paradis et sont fermées les portes de l'enfer. C'est donc la meilleure occasion pour le croyant pour redoubler d'efforts dans le sentier d'Allah. Et les croyants, les musulmans des premiers siècles, pour eux, le mois de Ramadan était un mois d'effort. Ils allaient même jusqu'à combattre dans le sentier d'Allah, contrairement à beaucoup d'entre nous qui passons nos journées à dormir et à s'amuser. Et beaucoup de batailles dans l'histoire de l'islam ont eu lieu pendant le mois de Ramadan, comme la bataille de Badr, la conquête de la Mecque, la bataille de Ain Jalut au 7e siècle, Et la bataille, c'était cette avec parmi les gens qui ont participé à cette bataille, elle a dit que Salam, également la bataille de Hattin, où a participé, Salahuddin al-Ayyubi contre Salibiyyi, et d'autres batailles. Et il y a le Moubidon. Adi al-Razwa, Toubayi al-Bijalahi, Mayarifu Kullu Moubi, Anna al-Nasra, Kullahu Biyadillahi Tabaraka wa Ta'ala, Yusim Manisha. فالصحابة رضوان الله عليهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يريدون الحرب وما ظنوا أنه سيكون قتال ولذلك لم يتهيئوا للحرب والقتال ولم يعدوا ما يكفي من العدة ومع ذلك أظهرهم الله تبارك وتعالى ونصرهم على عدوهم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه وامتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فببركة إيمانهم وبصدقهم مع الله تبارك وتعالى وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله وأظهرهم وأظهرهم على عدوهم قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Cette bataille nous prouve clairement ce que connaît tout croyant au fond de son cœur. Que la victoire appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il la donne à qui il veut. Les compagnons radiallahu anhu, lorsqu'ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Badr, ils n'avaient pas l'intention de combattre et ne pensaient même pas qu'il y aurait une bataille. Ils voulaient juste donc prendre possession de la caravane guidée par Abu Sufyan. Et ils ne se sont donc pas préparés pour une éventuelle bataille. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire contre leur ennemi, car ils ont été sincères dans leur engagement envers Allah, et ils ont obéi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par leur foi et leur sincérité envers leur Seigneur, et leur obéissance au prophète, Allah les a secourus et leur a donné la victoire. Allah dit dans le Coran, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. Et Allah dit également, ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Ayyuha as-sa'imun. Hinama takunu al-ma'rakatu bayna al-iman wal-kufr, fa inna an-nata'ij la tuqasu bil-maqayis al-bashariyya, allati tubna 'adatan 'ala al-asbab al-maddiyyati wahdaha. Fa inna Allah 'azza wa jalla yu'ayyidu wujud al-iman. يؤيد المؤمنين على الكافرين وإن كان الميزان المادي بينهم وبين عدوهم ليس متكافئا فإن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده المؤمنين يعوض ما عساه نقص من استعداداته بما شاء من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو فالصحابة رضوان الله عليهم في بدر كان عدوهم أكثر منهم عددا وأقوى عدة كان جيش المشركين ثلاثة أضعاف جيش المؤمنين ولكنهم لما لجأوا إلى ربهم واستغاثوا به نصرهم الله عز وجل على عدوهم رغم هذا الفارق المادي الكبير في العدد والعدة شيخ جنر شيخ مسلمون Lorsqu'il y a une bataille entre la foi et la mécréance et la kufr wal iman, les résultats ne peuvent être calculés à l'avance. Avec des normes habituelles et des normes humaines, n'observant que les causes matérielles. Car Allah subhanahu wa ta'ala secourt l'armée de la foi, appuie les croyants contre les mécréants, même si les causes matérielles paraissent inégales. Allah, le miséricordieux envers ses serviteurs, remplace le manque présent dans les rangs de ses alliés par son armée. Allah nous dit « Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu » Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Les compagnons, radiallahu anhu, étaient à Badr. Leur ennemi était plus nombreux et mieux armé. L'armée des associateurs était trois fois plus nombreuse que celle des musulmans. Mais lorsque les musulmans se sont dirigés vers leur Seigneur et l'ont imploré sincèrement, il leur a donné la victoire. As-salamu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون المسجد والذين يساهمون في مشاريع المسجد، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وبارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين. اللهم لشباب المسلمين، اللهم لشباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزين في قلوبهم وكفر إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام، اللهم احفظ إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم، اللهم انصرهم على من اعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.